Les championnats nationaux en fin de semaine, c'était les championnats nationaux à Calgary en fin de semaine et pas mal de nos athlètes de Dolbeau, Mississini, Saint-Félicien qui étaient présents là-bas. Et pour en parler, ben, on parle avec David Simard. Salut David. Bonjour. David, d'abord, bonne performance de Maud Tremblay. Oui, très bonne performance. Tout le monde a réalisé plusieurs. Elle a réussi ses objectifs. C'est un petit peu moins fort que l'année passée. Elle est arrivée 8e. C'est une année exceptionnelle. Cette année, la qualité est quand même un petit peu plus élevée que l'année passée. Donc, elle s'est classée dans une 11e position, qui est très bon pour elle. Là. Mais elle est encore jeune, je pensais, pour son âge. Oui, oui. Ouais. Encore, tu sais, je te dirais qu'elle est dans son R5, elle a 16 ans. Donc, on s'attend qu'elle va performer plus rendu, mettons, à 17-18 ans. Comme là, cette année, elle va faire les sélections juniors suite à sa performance, puis les sélections seniors en janvier. Okay. Donc, c'est un peu l'objectif de ces compétitions-là, c'était de se classer pour les compétitions d'envergure nationale, les plus grosses un petit peu. Là, donc, les sélections seniors en janvier, et qui sont à Sherbrooke. Et après ça, là, les sélections juniors qu'on va avoir pour l'équipe nationale junior en Pologne, je crois, cette année, qui est à Chicoutimi, là, la compétition en décembre. OK, OK. Donc, et ensuite, de Catherine Mailloux aussi, qui est quand même bien fait. Oui. Mais Catherine est environ du même calibre que moi, je te dirais, en fin de semaine. Ils ont fait environ les mêmes courses au même moment, en plus, ce qui est le fier en même temps. Catherine revient, c'est une de ses bonnes performances qu'elle a faites cette année et depuis 2-3 ans, donc elle revient tranquillement pas vite, c'est super bon pour elle. Très bon aux 500 mètres, aux 1500 mètres, elle a réussi à utiliser quand même ses forces pour se rendre jusqu'en vague C. C'était super bon pour elle, un bon 1000 mètres. Les deux ont fait, on appelle ça nous autres les top bottom, les top group des compétitions, donc le tableau principal, c'est très bien, on a réussi à le faire pour chaque distance. C'est une très bonne performance de constance dans cette compétition-là pour ces deux-là. OK. Ouais. T'as aussi, Karina Monminier, Léonie Bradette, Flavie Larochambeau. J'avais Karina Monminier, c'est ça. On peut commencer par Léonie, qui était un petit peu en avant. Ouais. Léonie a réussi à faire deux fois les tableaux principaux, a eu des petites difficultés dans des disqualifications, dont une chute aussi. Mais elle a réussi à bien se reprendre quand même, à faire une belle compétition, puis se classer pour les sélections juniors. Pour elle, c'est une très bonne performance. Puis pour, elle va être une parmi les favorites aussi dans chez les filles à cette compétition-là. Donc, j'ai hâte de voir. On a après ça Karina Monminy qui patine dans la région encore. Même chose que pour Maud. Elle a fait un très beau 500 mètres, une très bonne performance. Elle a relevé de ça comme une commotion cérébrale. Okay. Elle a vécu 2 semaines, nous a préparé pour cette compétition-là. Puis elle a quand même bien performé, je trouve, pour elle. Ouais. OK. Puis donc. Après, On avait, je pense aussi Flavie qui était dans votre secteur, qui patine cette année à Calgary. Très, très bonne performance. Elle a eu une chute au 1500 mètres. Elle n'a pas pu finir au 1000 mètres, je veux dire, en demi-finale. Puis elle n'a pas pu terminer la compétition. Fait que c'est pour ça qu'elle est un petit peu plus loin dans le classement. Mais on n'a pas pris de chance. Fait qu'elle a été arrêtée automatiquement. Là, fait que, on attendait les résultats. Fait que pour elle, c'est pas une contre-performance parce qu'elle a pas pu faire la moitié de la compétition. Il restait l'autre moitié à faire. Okay. Fait que on peut pas parler de ça. Donc là, est-ce qu'on peut considérer ça quand même comme intéressant? Peux-tu considérer ça quand même comme performance? Oui, parce que tu sais, c'est des patineurs, on se prend contre c'est des jeunes filles, c'est toutes des jeunes filles, hein, tu sais. La plus vieille, c'est Catherine dans le lot avec Flavie. Ils ont 18 ans. Et les autres ont toutes 16 ans, puis on se bat contre des personnes plus vieilles, souvent de 18, 19, 20 ans. Pareil. Pour eux, c'est quand même, ça reste des belles performances, puis cette compétition-là, c'est pas nécessairement pour gagner, c'est juste pour se classer dans les événements nationaux qui est plus important. Mmh. Fait que souvent, on est plus conservateur dans certaines choses, on va moins faire de risques pour conserver nos points. Donc, c'est des très bonnes performances, puis... T'sais, on va en avoir dans les prochaines années pour eux. Là, c'est plus pour détecter des talents, on pourrait dire, là, pour eux autres. Puis c'est des très bonnes performances. Okay. Qu'on considère un top 20, un top 16, c'est des très bonnes performances. Des compétitions qui ont 60 patineurs en tout, partout au Canada. Ouais. Fait que c'est super bien. Ouais. OK. Prochaine compétition. Ma prochaine compétition, c'est en décembre, début décembre, ici à Chicoutimi. Okay. On a l'événement des championnats canadiens juniors. Donc, c'est les meilleurs patineurs juniors au Canada. La plupart de ces patineuses-là vont être chronométrées tantôt, vont y être présentes. Donc, on a un gros challenge, ça va être super intéressant. L'aréna va être quand même, on va perdre des personnes dedans, mais c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Puis c'est un bel événement. Ouais. OK, OK. Ben, on se reparle, David, tu peux voir, on va s'en reparler la semaine prochaine. Oui, c'est possible au mois de décembre, tu dis? Au mois de décembre, oui, Oui. c'est ça. Donc, c'est la chronique du patinage de vitesse sur contre-piste avec David Simon.